On était petits, on était insolents. On rêvait de devenir des barons. Sur la route du bise, on a tenu le volant. On est finalement devenu la honte des darons. Au lieu d'être humble et respecté, on a choisi d'être craint et détestable. On parle de famille, on parle de respect. Devant le petit ref, on se donne un spectacle. Le temps nous a lassé, les années ont passé. Ma montre a cessé de donner l'heure. Vato, j'ai vu la mort de près. Ça choisit pour pire et peut-être le meilleur. La daronne n'a plus de force. Chaque jour pense à la fin du mois. Tu te sens seul quand t'as plus de gosses. Tu suis le chemin que tu vois. On se parle mais je crois qu'on se comprend plus. Ou peut-être qu'on s'est jamais compris. Un tronc lit, deux troncs lit, trois troncs lit. Vas-y donne-moi ton prix. Ils pensent qu'à forer des pétasses. Nous on pense qu'à faire de l'oseille. Claquer du bif comme à Vegas. On fera du mal à tous ceux qui nous aiment. On croyait tout savoir, on avait tout faux. On a eu quelques frères en trop. Pensées contradictoires en face dans le miroir. On pensait qu'on allait finir les pieds dans l'eau. Enfin ça c'est ce qu'on dit. Je sais pas si on y arrivera. Nos carrières dans le long pis. La vie de rêve maintenant qui la vivra. Enfin ça c'est ce qu'on dit. Je sais pas si on arrivera. Nos carrières dans le long pis. La vie de rêve qui la vivra. On finira dans l'oubli. La bonne parole qui la dira. Oh la quête d'Almani. Fuck Tony, fuck Elvira. Enfin ça c'est ce qu'on dit. Je sais pas si on arrivera. Nos carrières dans le long pis. La vie de rêve qui la vivra. On finira dans l'oubli. La bonne parole qui la dira. Oh la quête d'Almani. Fuck Tony, fuck Elvira. Mauvaise fréquentation et destin de malfrat. Personne ne connaît la fin. Des mauvais garçons, on verra bien ma foi. On s'entend même plus parler. On pense au coup qu'on finira pas. Moi je préfère même plus parier. Demander quelle est la ligne qu'on franchira pas. Certains sont heureux de rien. Je crois que c'est eux la résistance. Nous on côtoie tellement peu le bien qu'on finit par oublier son existence. Des fois je repense à ce qu'on était. Puis je pense à ce qu'on est devenu. Ça finit au placard ou en HP. Ça avait commencé par des retenues. Plein d'espoir comme ce gosse qui attend le bus. Moi j'ai pas vu le talent briller. C'est noir et la gloire j'attends plus. Regarde même plus putain de calendrier. Il faut que vous sachiez qu'il y a rien à présager. Les anciens font les gourous. Petit PD, envoie ton messager. Tu ne reverras plus parce qu'il t'a frappé pour nous. Cicatrice au polo, cicatrice au polo. Et je parle comme si c'était la terre. Si tu fais le fou, on va pas te le follow. Non, nous on va te niquer ta mère. On va te niquer ta mère. La rue nous a guidés. Ouais. On en a rien fait. On a vu du flair sans les coups de quitter. Parce qu'au final, tu vas rien faire. Enfin ça c'est ce qu'on dit. Je sais pas si on arrivera. Nos carrières dans le long pis. La vie de rêve qui la vivra. On finira dans l'oubli. La bonne parole qui la dira. Oh la quête d'Almani. Fuck Tony, fuck Elvira. Enfin ça c'est ce qu'on dit. Je sais pas si on arrivera. Nos carrières dans le long pis. La vie de rêve qui la vivra. On finira dans l'oubli. La bonne parole qui la dira. Oh la quête d'Almani. Fuck Tony.